Gentes-dames et beaux seigneurs, bonjour. Au sommaire de ce journal du 31 décembre 1500, une rétrospective des événements marquants de ces 50 dernières années. À l'étranger, la prise de Constantinople par Mahomet II en 1453. En Espagne, l'Inquisition. En Italie, Savonarole et son destin. Chronique régionale, Liège est saccagé par Charles le Téméraire et Louis XI en 1468. Le magazine culturel est consacré à l'imprimerie dans nos régions. Et nous terminerons par la rubrique sportive et l'exploit du génois Christophe Colomb qui a établi un nouveau record en ralliant l'Espagne aux Indes en 71 jours. Dans cette rétrospective des 50 dernières années, il est certain que la chute de Constantinople occupe une place très importante. Avant de passer le reportage en direct de notre envoyé spécial à Constantinople le 29 mai 1453, rappelons les faits saillants qui ont précédé la prise de la ville. Vous savez qu'à peine un an après son accession au trône, c'est-à-dire en 1452, Mahomet II déclare la guerre à l'Empire byzantin. C'est alors seulement que l'empereur Constantin Dragazès implore l'aide de l'Occident. Mais personne ne songe réellement à intervenir, car les pays d'Europe sont plongés dans des luttes fratricides. Seuls Venise et Gênes, les deux principales puissances maritimes de notre temps, ont réagi, car elles ont de gros intérêts commerciaux à défendre. Les Turcs sont apparus le 6 avril 1453 devant Constantinople, l'encerclant complètement par terre et par mer. Pendant 2 mois, ils se sont contentés de bombarder la ville et de combler les fossés qui protègent les murailles. Écoutons à présent le reportage de Michel Doukas. Allô le studio, vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y Michel, nous entendons parfaitement. Bon, eh bien je vous appelle car nous vivons un moment important dans l'assaut de Constantinople. Dans mon intervention du 24 mai, je vous disais que Mahomet II s'était enfin risqué à proclamer un assaut général, par terre et par mer, pour le 29 mai. Nous sommes malheureusement le 29 mai, et depuis 1h30 du matin, des masses compactes de Bachibouzouk, les troupes irrégulières turques, sont envoyées à l'assaut par vagues successives. L'attaque va son plein, les Turcs font des efforts inouïs pour prendre pied sur les remparts, mais ils sont criblés de flèches et de pierres par les défenseurs qui paraissent l'emporter d'ailleurs. Comme prévu, les efforts des assaillants se concentrent sur la porte Saint-Romain, une des parties les plus faibles des fortifications. Pour la défendre, il y a l'empereur lui-même, le génois Giovanni Giustiniani, le chef de la défense et l'élite de ses compatriotes. Les cadavres des assaillants remplissent le fossé qui protège les remparts. Sur ma droite, en regardant, je peux voir une partie du port où le combat fait rage. Le spectacle est dantesque, le terrible feu grégeois ruisselle des murs à la mer et serpente de toutes parts sur les eaux. Partout, les défenseurs font des merveilles, dégageant les fossés à l'aide de fourches, réparant les brèches faites par l'artillerie ennemie. Ils combattent à moins de 1 contre 10. Les 15 000 janissaires, l'élite de l'armée turque, sont toujours concentrés autour de la tente du sultan. J'ai l'impression que Mahomet II va devoir les utiliser s'il veut réussir aujourd'hui, car les attaquants faiblissent depuis quelque temps. À mon avis, ce n'est pas encore maintenant que Constantinople tombera. Et à l'instant même, comme je vous le prédisais, les janissaires s'ébranlent en silence et d'un pas cadencé comme à leur habitude. Ce ne sont pas ces 15 000 hommes qui renversent... Mais que se passe-t-il? Il y a des remous à la porte Saint-Romain. Je ne distingue pas bien. Ah si, c'est Giustiniani. Il vient d'être blessé. On s'attroupe autour de lui. Je vois l'empereur qui accourt. Une vive discussion s'engage. C'est pas le moment, mes chers auditeurs, car les janissaires, stimulés par Mahomet et ses ministres, s'approchent des murailles. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Giustiniani? Mais il s'en va! Il quitte le combat. Sa blessure est sans doute grave. Mais comment ne restait-il pas à son poste? Il était l'âme de la défense. Dieu tout-puissant! La panique s'installe déjà chez les défenseurs. Ils fuient tous vers l'intérieur de la ville. L'empereur n'arrive pas à les retenir alors que les janissaires franchissent le fossé et prennent déjà les remparts d'assaut malgré les efforts des derniers braves. Les Turcs font pleuvoir des coups de yatagan sur le dos des fuyards qui voient si peu se battre comme des lions. Mais pourquoi l'empereur ne fuit-il pas? Il a combattu valeureusement. Il pourrait s'enfuir si ses compagnons s'écroulent à ses côtés. Constantin se bat férocement, mais qu'il prenne garde derrière lui. Ça y est, un infidèle vient de le frapper par derrière. Il s'écroule. Les derniers défenseurs de la muraille ouest vont être balayés, alors que ce bat toujours dans le port. Le pillage va commencer. L'assaut n'a duré que 3 heures. Il est d'ailleurs temps de vous quitter, mes chers auditeurs, car je connais la férocité des Turcs. Il ne serait pas bon les rencontrer dans la rue. J'espère que vous pardonnerez la mauvaise qualité de ce reportage, mais c'était vraiment du direct. Voilà. Je crois qu'il était nécessaire d'entendre à nouveau ce document capital. Notre envoyé spécial, Michel Doukase, est parvenu à s'échapper. Depuis lors, il a écrit sa chronique universelle qui raconte plus longuement la prise de Constantinople. Beaucoup de Grecs n'ont pas eu sa chance. Le pillage dura 3 jours entiers. Le butin fut énorme. Des dizaines de milliers de prisonniers, des bijoux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des livres. D'ailleurs, encore de nos jours, les Turcs disent, en parlant d'un homme riche, qu'il doit avoir pris part au pillage de Constantinople. La République de Venise est la première en Occident à connaître officiellement la chute de la ville le 29 juin 1453. De là, la nouvelle se propage en Europe comme une traînée de poudre. Partout, c'est la consternation. La perte de ce bastion de la chrétienté en Orient est un événement mondial qui aura des répercussions profondes sur notre société. Pourtant, depuis lors, aucun pays ne bouge. Les papes ont beau prêcher la croisade, les princes d'Occident ne sont pas prêts à s'engager dans une aventure dangereuse. Mahomet II le Conquérant est mort en 1481 et Bajazet II n'a pas continué les conquêtes de son père. On peut espérer que la menace turque s'est éteinte à jamais. Passons maintenant à un autre sujet brûlant. En l'année 1498, mourait Frère Thomas Torquemada, qui laissait derrière lui une œuvre monumentale, l'Inquisition. Cette institution allait bouleverser tout le paysage politique et économique de l'Espagne. C'est pourquoi il nous a semblé bon de rappeler en quelques mots ce qu'elle est, dans la mesure du possible. L'établissement de l'Inquisition a été arraché au pape Sixte IV par la diplomatie vigoureuse des rois catholiques. Diplomatie qui, non contente d'obtenir le 1er novembre 1478 la bulle qui instaurait officiellement l'Inquisition, réussit à donner le contrôle total de l'institution à Ferdinand d'Aragon. Ce dernier s'empressa de faire nommer par le souverain pontife un grand inquisiteur, ce qui fut fait le 17 octobre 1483 au bénéfice d'un dominicain, prieur du couvent de Santa Cruz, Fray Thomas Torquemada. L'année suivante, le conseil siégeant à Séville adopta les premières règles. Puis, en 1485, 1488 et 1498, Torquemada en établit de nouvelles. Voilà pour ce qui est des faits connus de tous. Pour la suite de l'exposé, nous nous reportons au témoignage des quelques rares personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions, ainsi qu'à un interview d'archives de Torquemada. Au sommet de l'institution se trouve le conseil suprême ou suprema où siège le grand inquisiteur. De lui dépendent les tribunaux de province composés chacun de 2 inquisiteurs. La base du système est le principe des visites faites à chaque province. À l'inverse de l'inquisition qui régnait dans nos régions, celle d'Espagne est presque autonome. En effet, l'inquisiteur général a un droit sur toutes les décisions papales. De plus, depuis le 17 octobre 1483, le roi a tout pouvoir sur les nominations, mais aussi sur la confiscation des biens. Son rôle est de poursuivre les hérétiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont trahi les vœux de leur baptême, et plus particulièrement les musulmans, les judaïsants et les vieux chrétiens. Ces victimes font l'objet de toute une procédure qui permet de déterminer leur niveau de culpabilité. Mais hélas, cette procédure nous est mal connue. Il semblerait qu'elles soient emprisonnées, puis interrogées par 3 fois, et cela avant lecture de l'acte d'accusation. Peut-être sont-elles même torturées. Mais il paraît qu'elles ont la possibilité de prouver leur innocence et de faire appel à un avocat de leur choix. Ce qui est certain, c'est que les peines sont multiples et qu'elles passent de la simple confiscation des biens au bûcher, fournissant de cette manière les acteurs involontaires d'un drame nommé auto da fé. On peut dire en conclusion, on a tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort, car le tort tue. Après cet intermède musical, une petite page de publicité. Brûler, éliminer du missel du credo, missel San Benito. Vous connaissez des mécréants, des hérétiques, adressez-vous au bureau du Saint-Office le plus proche. Il y a toujours une agence de l'Inquisition dans votre région. N'oubliez pas d'indiquer votre nom, vous en serez récompensé. À présent, rendons-nous en Italie et plus précisément à Florence, le berceau de l'humanisme. Il y a 2 ans, cette république florissante voyait s'éteindre une personnalité marquante, Jérôme Savonarole. Mais qui est donc ce fameux Savonarole ? Jérôme Savonarole est né à Ferrare le 24 septembre 1452. Après avoir entrepris des études de médecine qu'il abandonne rapidement, il consacre toute sa vie au Christ. En 1489, élu prieur du couvent dominicain de Saint-Marc, il entreprend de réformer l'église corrompue et de transformer la ville de Florence en véritable cité de Dieu. Dans de violents sermons et de terrifiantes prédications, il n'hésite pas à blâmer la luxure de ses concitoyens et s'en prend tout particulièrement à la famille des Médicis. Poursuivant sur sa lancée, il brave le Saint-Siège et reste indifférent aux menaces d'excommunication. Aussi, aidé par une véritable police, il dénonce publiquement les mœurs débauchées du pape Alexandre VI Borgia et de la curie romaine. Maintenant, voici ce qu'étaient les sermons de Savonarole vers les années 1494-1495. Ô clergé, toi qui es la cause principale de ces maux, c'est à cause de ta mauvaise conduite que s'élève cette tempête. Malheur, malheur à qui aura le crâne tonsuré. Arrive à l'église infâme, écoute ce que le Seigneur te dit. Mes sacrements, tu les as profanés par ta simonie. La luxure a fait de toi une fille de joie défigurée. Et tu ne rougis même plus de tes péchés. Tu es pire qu'une bête. Tu es un monstre abominable. Tu as construit un lieu public. Et tu en as fait une maison de prostitution pour tous. Ô église prostituée, tu as étalé ta dépravation devant tout l'univers. Tu as multiplié tes fornications en Italie, en France, en Espagne, dans tous les pays. En 1496, repris par sa fureur prophétique suite à l'invasion des troupes françaises, il clame. Ô Italie, il y aura calamité sur calamité, guerre sur famine et peste sur guerre, calamité de tous côtés. Les vivants ne suffiront pas à enterrer les morts. Il y aura tant de cadavres dans les maisons que des gens iront par les rues en criant « Sortez vos morts !» On en fera des morceaux et on les brûlera. La race humaine sera si éprouvée qu'elle se réduira presque à rien. Dans un moment de désespoir, en 1496 également, il s'écrie. Ô Pierre, criez, criez que vous avez entendu toutes mes paroles, puisque ceux-ci ne veulent pas les entendre. On veut faire croire à beaucoup que je trouble l'Italie. Insensé ! Je n'agite pas l'Italie, j'annonce seulement qu'elle le sera. Je prédis le fléau pour vos péchés. En mai 1498, à la veille de sa mort, il réaffirme sa foi. Ô Seigneur, vous m'avez lancé sur une mer orageuse. Je ne puis ni ne veux retourner en arrière. Ce que j'ai enseigné, c'est de Dieu que je le tenais. Et il faut savoir faire des folies pour l'amour du Christ. Nous voyons donc que Savonarole joue un rôle non seulement dans le domaine religieux, mais aussi sur la scène politique et culturelle. Dans sa lutte contre le vice et l'immoralité, il s'attaque aux Médicis. En 1494, meurt Laurent le Magnifique. Savonarole expulse alors son fils et successeur, Pierre. La cité d'Ulysse se voit désormais privée de ses mécènes, du moins pour un temps, nous l'espérons. De plus, le moine ennemi de l'humanisme considère la littérature et l'art comme païens et ordonne de mettre le feu aux livres et aux tableaux. Pauvre Florence, qu'il est loin ton siècle d'or. Mais l'excès nuit en tout. Ces prophéties apocalyptiques conduisent le prédicateur devant un tribunal ecclésiastique qui le juge hérétique. C'est ainsi qu'il est condamné au bûcher et brûlé sur la place de la Seigneurie le 23 mai 1498, Une fois encore, la voix du pape l'emporte. Souvenez-vous, 1468, une date que certains d'entre vous n'ont sûrement pas oubliée. Mais il est utile de rappeler ces faits à la mémoire des plus jeunes d'entre nous. Notre évêque depuis 1456, Louis de Bourbon, n'a pas tardé à recourir au glaive de ses puissants alliés et parents, les ducs de Bourgogne, pour s'imposer par la force. Or, restaurer le pouvoir de l'évêque à Liège préoccupe moins Philippe le Bon et Charles le Téméraire que dominer le pays. Et la patrie en danger a répondu en réclamant l'aide de la France. Ainsi, une forte opposition, encouragée par Louis XI, se dresse dans la ville contre le jeune Bourbon. Une alliance militaire franco-liégeoise est même scellée à Paris en juin 1465. Mais les projets du roi de France sont déjoués et les Liégeois renoncent à ce traité d'alliance. La mort en 1467 de Philippe le Bon ranime pourtant les courages. Et comme à l'ordinaire, les Liégeois marchent à la rencontre de l'ennemi. Nous sommes défaits à Brustem le 28 octobre 1467. Le 12 novembre, le Téméraire reçoit les clés de la ville, démantèle notre cité et déchire ses privilèges. Le perron, symbole des libertés communales, est transporté à Bruges. Mais Bourbon, poussé par le légat du pape Onufrius, accepte la réconciliation avec les proscrits qui s'étaient soulevés contre lui. Cette pacification irrite le Téméraire. Et effrayé, le roi de France, qui avait été fait prisonnier à Péronne par Charles, fait volte-face et se déclare heureux d'accompagner à Liège son terrible gardien. Voilà donc les Bourguignons aux portes de la ville. Rappelez-vous, cette nuit du 29 au 30 octobre 1468, quelques-uns de nos concitoyens conçoivent une entreprise aussi audacieuse que désespérée. Le projet de tuer ou d'enlever, par surprise, Charles et Louis, au milieu même de leur camp, établi à Saint-Walburge. Une fois assuré que les Bourguignons dormaient, Gossoin de Strel, avec 600 à 700 Franchimontois, se mettent en marche. 10 hommes, parlant le dialecte bourguignon, sont envoyés en avant pour épier l'ennemi. Arrivés au camp, ils se mettent à causer avec des vivandières assises autour du feu. Quand tout à coup, l'une d'entre elles se met à crier « Aux armes, les Liégeois sont là !» À ces cris, la garde s'éveille et massacre nos valeureux Liégeois. Le lendemain, entre 9 et 10 heures, un boulet tombe tout à coup dans la cité, comme un cheveu dans la soupe. C'est le cas de le dire, car affaibli par de fréquentes sorties et épuisé par les fatigues de la semaine, nos bourgeois sont à table. La ville n'a plus de défenseurs. Beaucoup ont fui. Ceux qui restent se réfugient dans les églises, qui sont bientôt pillées. Et leurs occupants, rançonnés, égorgés, noyés en meuse par grappes de 10 à 12 comme des chats. Le 3 novembre, le Téméraire ordonne de mettre le feu à la ville. Il ne doit rien rester de Liège, sinon le souvenir de sa vengeance. La destruction du pont des Arches commence le 22 novembre. Les Bourguignons s'en vont alors et envahissent Franchimont, malgré l'hiver qui s'annonce. Et comme le disait Comines lui-même, qui décrit cette terrible chasse, une dernière image se dessine, celle d'une Liégeoise, morte de détresse, de peur et de froid, à côté d'un petit cadavre qu'elle vient de mettre au monde. Mais si le pays n'est pas au bout de ses malheurs, la cité n'a pas été détruite aussi complètement que le Téméraire l'avait voulu. Seul le centre a subi de graves dommages. Et malgré les interdictions du vainqueur, les Liégeois s'acharnent à reconstruire leur maison. Et dès que le Téméraire meurt en 1477, Liège se ressaisit et redevient la capitale judiciaire, laïque et ecclésiastique du pays. En juin 1478, le perron, ramené de Bruges, reprend sa place sur le marché. En 1492, notre neutralité est reconnue par la France et les Pays-Bas. Dès lors, c'est dans la diplomatie que notre pays devra chercher la sauvegarde de l'essentiel, c'est-à-dire la liberté de la patrie. N'oublions surtout pas, ce que le pays avait été est un souvenir qui aide à vivre. Ce que Liège doit être est une volonté de renaître. Et si notre cité continue à relever ses tours et ses murailles et poursuit sur cette voie de la reconstruction, elle devrait, sans tarder, faire de nouveau figure de grande ville. C'était un reportage chaleureux de Philippe Aucomont. Le magazine culturel est aujourd'hui consacré à l'imprimerie dans nos régions. Alors Brigitte, en quoi consiste cette technologie nouvelle qui vient d'Allemagne, je crois ? C'est bien cela. Je suis allée interroger Thierry Martens sur son métier et c'est de son atelier de Louvain que je ramène mes informations. Martens s'est installé à Louvain depuis quelques années déjà. Choix judicieux si l'on songe que l'université draine dans son sillage de nombreux intellectuels. La ville est ainsi devenue un centre de culture propice à l'installation des typographes. Du point de vue technique, il se pose en innovateur. Grâce à lui, des éléments neufs, mécaniques ou esthétiques pénètrent dans nos régions. Alors, quels sont les résultats visibles pour le lecteur ? Il produit des éditions qui sont non seulement un plaisir pour les yeux, mais témoignent aussi d'une grande perfection. Il a récemment modifié les techniques de mise en page afin d'aérer le texte. Dans le même but, il a réalisé ses dernières éditions en caractère romain et non plus gothique. La simplification est appréciable. Enfin, pour que l'aspect du texte en soutienne le propos, il est associé à des intellectuels qui font dans son atelier office de correcteur. Et pourquoi se soucie-t-il de corriger ses éditions ? Je pense qu'il y a deux raisons essentielles. La sauvegarde de son prestige d'artisan, sans doute, mais aussi le but qu'il fixe à son art. Il veut absolument contribuer à la propagation de la littérature. Ceci nous dévoile une nouvelle facette du métier d'imprimeur. Il exprime bien la volonté d'un homme de lettres, conscient de son influence sur nous lecteurs. Par conséquent, seules les œuvres de qualité littéraire retiennent son attention. À ce propos, tous les genres d'écrits l'intéressent. Les textes des anciens grecs et romains, comme les ouvrages des contemporains amis des belles lettres. Et évidemment, une partie importante de ses réalisations reste consacrée aux œuvres religieuses plus traditionnelles. Oui, vous avez cité le mot « art » tantôt. Donc l'imprimerie, c'est plus qu'une technique. Peut-on vraiment parler d'un art ? Bien sûr, c'est même une révolution qui veut répondre à un changement de mentalité et à une volonté d'enrichissement, notamment par la littérature des anciens, que nous redécouvrons peu à peu. D'un autre côté, l'imprimerie, ça reste quand même un commerce. A-t-elle un statut particulier comme d'autres professions ? Malheureusement, non. Je dis malheureusement pour les imprimeurs comme pour nous. Les finances ne suivent pas toujours les projets de réalisation. La profession est encore très jeune et n'appartient à aucun cadre commercial. Elle reste donc locale et isolée. Le plus souvent, elle dépend de nous seuls, ses acheteurs, et ne reçoit aucune subvention officielle. Et son avenir ? Il est tout tracé, sans aucun doute. Pensez qu'en une cinquantaine d'années seulement, l'imprimerie s'est rendue indispensable dans de nombreux milieux. Si l'achat des livres entre dans les usages, son avenir sera conforté d'autant. Alors, on peut peut-être rappeler que le dernier ouvrage paru dans les ateliers de Thierry Martin s'intitule, attendez que je regarde mes notes, « Statuta Synodalia Leodensia ». Cet ouvrage, qui parle du clergé de notre bonne ville, nous paraît indispensable pour tous les Liégeois. Alors, y a-t-il une adresse ? Bien sûr, pour toute information, écrire à Thierry Martens, presse universitaire de Louvain, ou téléphoner au 016 47 42 58. Et maintenant, l'exploit du siècle. Voici 8 ans déjà que Christophe Colomb a atteint les Indes en partant vers l'ouest. Ayant quitté Palos le 3 août 1492 à la tête de 3 caravelles, il débarque le 12 octobre sur l'île de San Salvador. Il découvre encore une dizaine d'îles appartenant, selon lui, un archipel de la côte orientale des Indes. Le jour de son retour triomphal à Palos, le 4 mars 1493, notre envoyé spécial l'attendait pour recueillir ses premiers commentaires. Colomb se montra surtout satisfait de la découverte d'une île paradisiaque, l'île Hispaniola. Amiral, que pouvez-vous nous dire sur cette île Hispaniola ? Hispaniola est une merveille. Les chaînes de montagnes, les plaines et les campagnes sont les meilleures qui soient. Hispaniola est propre aux plantations, à l'élevage des bestiaux de tous les genres, à la construction des villes et des villages. On ne peut croire à la beauté de ces ports si on ne les a pas vus. Les fleuves sont nombreux et larges, et la plupart contiennent des loros. Sur cette île, on trouve aussi des nombreux épices, des grandes mines d'or et d'autres minéraux. Quelles sont les coutumes, les mœurs des peuplades de ces îles? Ces peuplades vont nous, hommes et femmes, comme ils ont été mis au monde. Ils n'ont ni fer, ni acier, ni armes, dont ils ne connaissent pas l'usage, parce qu'ils sont extraordinairement peureux. Quel que soit ce qu'on leur demande, ils ne refusent jamais. Ils offrent plutôt et montrent tant d'attachement qu'ils paraissent donner leur cœur. Qu'il s'agisse d'une chose des valeurs ou d'une chose des peu de prix, ils la donnent en échange de quelques bagatelles, en se déclarant contents. Et leur religion, Christophe Colomb? Non, ils ne professent ni culte, ni idolâtrie. Mais tous croient que la puissance et les biens sont dans les ciels. Et ils croient fermement que moi-même, mes navires et mes gens, nous sommes descendus du ciel. Et les femmes? Il m'a semblé que dans toutes ces îles, les hommes se contentaient d'une seule femme. Mais ils ont concédé 20 à leur chef. Il m'est apparu aussi que les femmes travaillaient plus que les hommes. Je n'ai pu savoir s'ils possédaient des biens propres, mais il m'a semblé qu'ils ont tout en commun, principalement les vivres. Parmi ces peuplades, amiral, avez-vous rencontré des monstres? Il n'est point rencontré de monstres dans ces îles. Au contraire, les indigènes sont d'aspect gracioso. Ils ne sont pas noirs comme en Guinée. Ils ont les cheveux longs. Cheveux qui ne poussent pas là ou frappent trop fortement les rayons du soleil. Avez-vous vu des cannibales? Dans l'île dite Quaris, les Segondos qui se trouvaient à l'entrée des Indes habitent une peuplade qui passe pour être molto feroce et pour manger de la chair humaine. On m'a dit aussi qu'il y a une autre île, plus grande que l'île Hispaniola, où les indigènes n'ont point des cheveux sur la tête et où il existerait des loros en quantité infinie. Croyez-vous avoir satisfait le roi et la reine par la richesse de ces découvertes? Si, si, leur Altesse pourront voir qu'il leur procurerait autant d'or, des pitchs et des cotonnes qu'elles en voudront. Ainsi que de la gomme de lentisque, de l'aloès et des esclaves. Je crois aussi avoir trouvé de la rhubarbe et de la cannelle. Le mot de la fin, Christophe Colomb? Écoutez, j'essaierai d'y faire mieux les prochaines fois. Pourrais-je avoir un autographe? Vous ne plaisez pas un œuf. Ce journal est à présent terminé.